Justement, Dario, lui aussi, était venu habiter le palais Boccanera, 6 mois plus tôt, à la suite de la mort de son père et de toute une catastrophe qui l'avait ruiné. Le prince Onofrio, après avoir, sur le conseil de Prada, vendu la villa Montefiori 10 millions à une compagnie financière, s'était laissé prendre à la fièvre de spéculation qui brûlait Rome, au lieu de garder ses 10 millions en poche sagement. Et si bien qu'il s'était mis à jouer en rachetant ses propres terrains et qu'il avait fini par tout perdre dans le krach formidable où s'engloutissait la fortune de la ville entière. Totalement ruiné, endetté même, le prince n'en continuait pas moins ses promenades au Corso, de bel homme souriant et populaire, lorsqu'il était mort accidentellement des suites d'une chute de cheval. Et 11 mois plus tard, sa veuve, la toujours belle Flavia, qui s'était arrangée pour repêcher dans le désastre une villa moderne et 40 000 francs de rente, avait épousé un homme magnifique, son cadet de 10 ans, un Suisse nommé Jules Laporte, ancien sergent de la garde du Saint-Père, ensuite courtier marron d'un commerce de reliques, aujourd'hui marquis Montefiori, ayant conquis le titre en conquérant la femme, par un bref spécial du pape. La princesse Boccanera était redevenue la marquise Montefiori, et c'était alors que, blessé, le cardinal Boccanera avait exigé que son neveu Dario vînt occuper près de lui un petit appartement au premier étage du palais. Dans le cœur du saint homme, qui semblait mort au monde, l'orgueil du nom demeurait. Une tendresse pour ce frêle garçon, le dernier de la race, le seul par qui la vieille souche pût reverdir. Il ne se montrait d'ailleurs pas hostile au mariage avec Benedetta, qu'il aimait aussi d'une affection paternelle, si fière et si hautement convaincue de leur piété, en les prenant tous les deux près de lui, qu'il dédaignait les bruits abominables que les amis du comte Prada, dans le monde blanc, faisait courir depuis la réunion du cousin et de la cousine sous le même toit. Donna Serafina gardait Benedetta comme lui-même gardait Dario, et dans le silence, dans l'ombre du vaste palais désert, ensanglanté autrefois par tant de violences tragiques, il n'y avait plus que quatre, avec leur passion maintenant assoupie, derniers vivants d'un monde qui croulait, au seuil d'un monde nouveau. Lorsque, brusquement, l'abbé Pierre Froment se réveilla, la tête lourde de rêves pénibles, il fut désolé de voir que le jour tombait. Sa montre, qu'il se hâta de consulter, marquait 6 heures. Lui qui comptait se reposer 1 heure au plus en avait dormi près de 7 dans un accablement invincible. Et, même éveillé, il restait sur le lit, brisé, comme vaincu déjà avant d'avoir combattu. Pourquoi donc cette prostration, ce découragement sans cause, ce frisson de doute, venu il ne savait d'où pendant son sommeil, et qui abattait son jeune enthousiasme du matin? Les Boccanera étaient-ils liés à cette faiblesse soudaine de son âme? Il avait entrevu dans le noir de ses rêves des figures si troubles, si inquiétantes, et son angoisse continuait, et il les évoquait encore, effaré de se réveiller ainsi au fond d'une chambre ignorée, pris du malaise de l'inconnu. Les choses ne lui semblaient plus raisonnables. Il ne s'expliquait pas comment c'était Benedetta qui avait écrit au vicomte Philibert de la Choue pour le charger de lui apprendre que son livre était dénoncé à la congrégation de l'Index. Et quel intérêt elle pouvait avoir à ce que l'auteur vînt se défendre à Rome? Et dans quel but elle avait poussé l'amabilité jusqu'à vouloir qu'il descendît chez eux? Sa stupeur, en somme, était d'être là, étranger, sur ce lit, dans cette pièce, dans ce palais, dont il entendait autour de lui le grand silence de mort. Les membres anéantis, le cerveau comme vide, il avait une brusque lucidité. Il comprenait que des choses lui échappaient, que toute une complication devait se cacher sous l'apparente simplicité des faits. Mais ce ne fut qu'une lueur. Le soupçon s'effaça et il se leva violemment. Il se secoua en accusant le triste crépuscule d'être la cause unique de ce frisson et de cette désespérance, dont il avait honte. Pierre, alors, pour se remuer, se mit à examiner les deux pièces. Elles étaient meublées d'acajou, simplement, presque pauvrement. Des meubles dépareillés, datant du commencement du siècle. Le lit n'avait pas de tenture, ni les fenêtres, ni les portes. Par terre, sur le carreau nu, passé au rouge et ciré, des petits tapis de pied s'alignaient seuls devant les sièges. Et il finit par se rappeler, en face de cette nudité et de cette froideur bourgeoise, la chambre où il avait couché, enfant, à Versailles, chez sa grand-mère, qui avait tenu là un petit commerce de mercerie sous Louis-Philippe. Mais, à un mur de la chambre, devant le lit, un ancien tableau l'intéressait, parmi des gravures enfantines et sans valeur. C'était, à peine éclairée par le jour mourant, une figure de femme, assise sur un soubassement de pierre, au seuil d'un grand et sévère logis, dont on semblait l'avoir chassée. Les deux battants de bronze venaient de se refermer à jamais, et elle demeurait là, drapée dans une simple toile blanche, tandis que des vêtements épars, lancés rudement au hasard, traînaient sur les épaisses marches de granit. Elle avait les pieds nus, les bras nus, la face entre ses mains, convulsée de douleur, une face qu'on ne voyait pas, que les ondes d'une admirable chevelure noyaient, voilée d'or fauve. Quelle douleur sans nom, quelle honte affreuse, quel abandon exécrable cachait-elle ainsi, cette rejetée, cette obstinée d'amour, dont on rêvait sans fin l'histoire, d'un cœur éperdu. On la sentait adorablement jeune et belle dans sa misère, dans ce lambeau de linge drapé à ses épaules. Mais le reste d'elle appartenait au mystère, et sa passion, et peut-être son infortune, et sa faute peut-être. À moins qu'elle ne fût là seulement le symbole de tout ce qui frissonne et pleure, sans visage, devant la porte éternellement close de l'invisible. Longtemps il la regarda, et si bien qu'il s'imagina enfin distinguer son profil, d'une souffrance, d'une pureté divine. Ce n'était qu'une illusion, le tableau avait beaucoup souffert, noirci, délaissé, et il se demandait de quel maître inconnu pouvait bien être ce panneau, pour l'émouvoir à ce point. Sur le mur d'à côté, une vierge, une mauvaise copie d'une toile du XVIIIe siècle, l'irrita par la banalité de son sourire. Le jour tombait de plus en plus, et Pierre ouvrit la fenêtre du salon, s'accouda. En face de lui, sur l'autre rive du Tibre, se dressait le Janicule, le monde où il avait vu Rome le matin. Mais ce n'était plus, à cette heure trouble, la ville de jeunesse et de rêve envolée dans le soleil matinal. La nuit pleuvait en une cendre grise, l'horizon se noyait indistinct et morne. Là-bas, à gauche, il devinait de nouveau le Palatin par-dessus les toits. Et à droite, là-bas, c'était toujours le dôme de Saint-Pierre, couleur d'ardoise, sous le ciel de plomb, tandis que derrière lui, le Quirinal, qu'il ne pouvait voir, devait sombrer lui aussi sous la brume. Quelques minutes se passèrent, et tout se brouilla encore. Il sentit Rome s'évanouir, s'effacer dans son immensité, qu'il ignorait. Son doute et son inquiétude sans cause le reprirent, si douloureusement qu'il ne put rester à la fenêtre davantage. Il la referma, alla s'asseoir, laissa les ténèbres le submerger d'un flot d'infinie tristesse. Et sa rêverie désespérée ne prit fin que lorsque la porte s'ouvrit doucement et que la clarté d'une lampe égaya la pièce. C'était Victorine qui entrait avec précaution en apportant de la lumière. « Ah, monsieur l'abbé, vous voici debout. J'étais venu vers 4 heures, mais je vous ai laissé dormir. Et vous avez joliment bien fait de dormir à votre contentement. » Puis, comme il se plaignait d'être courbaturé et frissonnant, elle s'inquiéta. « N'allez pas prendre leur vilaine fièvre. Vous savez que le voisinage de leur rivière n'est pas sain. Don Vigilio, le secrétaire de son éminence, les a, les fièvres, et je vous assure que ce n'est pas drôle. » Aussi lui conseilla-t-elle de ne pas descendre et de se recoucher. Elle l'excuserait auprès de la princesse et de la contessina. Il finit par la laisser dire et faire, car il était hors d'état d'avoir une volonté. Sur son conseil, il dîna pourtant. Il prit un potage, une aile de poulet et des confitures que Giacomo le valet lui monta. Et cela lui fit grand bien. Il se sentit comme réparé, à ce point qu'il refusa de se mettre au lit et qu'il voulut absolument remercier ces dames, le soir même, de leur aimable hospitalité. Puisque Donna Serafina recevait le lundi, il se présenterait. « Bon, bon, approuva Victorine. Du moment que vous allez bien, ça vous distraira. Le mieux est que Don Vigilio, votre voisin, entre vous prendre à 9 heures et qu'il vous accompagne. Attendez-le. » Pierre venait de se laver et de passer sa soutane neuve, lorsque, à 9 heures précises, un coup discret fut frappé à la porte. Un petit prêtre se présenta, âgé de 30 ans à peine, maigre et débile, la face longue et ravagée, couleur de safran. Depuis 2 années, des crises de fièvre chaque jour, à la même heure, le dévoraient. Mais dans sa face jaunie, ses yeux noirs, quand il oubliait de les éteindre, brûlaient, embrasés par son âme de feu. Il fit une révérence et dit simplement, en un français très pur, « Don Vigilio, monsieur l'abbé, est entièrement à votre service, si vous voulez bien que nous descendions. » Alors, Pierre le suivit en le remerciant. Don Vigilio, d'ailleurs, ne parla plus, se contenta de répondre par des sourires. Ils avaient descendu le petit escalier, ils se trouvèrent au second étage, sur le vaste palier du grand escalier d'honneur. Et Pierre restait surpris et attristé du faible éclairage. De loin en loin, des becs de gaz d'hôtels garnis louches, dont les taches jaunes étoilaient à peine les profondes ténèbres des hauts couloirs sans fin. C'était gigantesque et funèbre. Même sur le palier, où s'ouvrait la porte de l'appartement de Donna Serafina, en face de celle qui conduisait chez sa nièce, rien n'indiquait qu'il pût y avoir réception ce soir-là. La porte restait close, pas un bruit ne sortait des pièces, dans le silence de mort montant du palais entier. Et ce fut Don Vigilio qui, après une nouvelle révérence, tourna discrètement le bouton sans sonner. Une seule lampe à pétrole, posée sur une table, éclairait l'antichambre. Une large pièce aux murs nus, peints à fresque d'une tenture rouge et or, drapée régulièrement tout autour, à l'antique. Sur les chaises, quelques paletots d'hommes, 2 manteaux de femmes étaient jetés, tandis que les chapeaux encombraient une console. Un domestique, assis, le dos au mur, sommeillait. Mais, comme Don Vigilio s'effaçait pour le laisser entrer dans un premier salon, une pièce tendue de brocatelle rouge, à demi obscure et qu'il croyait vide, Pierre se trouva en face d'une apparition noire, une femme vêtue de noir, dont il ne put distinguer les traits d'abord. Il entendit heureusement son compagnon qui disait en s'inclinant, « Contessina, j'ai l'honneur de vous présenter monsieur l'abbé Pierre Froment, arrivé de France ce matin. » Et il demeura un instant seul avec Benedetta, au milieu de ce salon désert, dans la lueur dormante de 2 lampes voilées de dentelle. Mais à présent, un bruit de voix venait du salon voisin, un grand salon dont la porte, ouverte à 2 battants, découpait un carré de clarté plus vive. Tout de suite, la jeune femme s'était montrée accueillante, avec une parfaite simplicité. « Ah, monsieur l'abbé, je suis heureuse de vous voir. J'ai craint que votre indisposition ne fût grave. Vous voilà tout à fait remis, n'est-ce pas ?» Il l'écoutait, séduit par sa voix lente, légèrement grasse, où toute une passion contenue semblait passer dans beaucoup de sages raisons. et il la voyait enfin, avec ses cheveux si lourds et si bruns, sa peau blanche, d'une blancheur d'ivoire. Elle avait la face ronde, les lèvres un peu fortes, le nez très fin, des traits d'une délicatesse d'enfance. Mais c'était surtout les yeux, chez elle, qui vivaient, des yeux immenses, d'une infinie profondeur, où personne n'était certain de lire. Dormait-elle? Rêvait-elle? Cachait-elle l'attention ardente des grandes saintes et des grandes amoureuses sous l'immobilité de son visage? Si blanche, si jeune, si calme, elle avait des mouvements harmonieux, toute une allure très réfléchie, très noble et rythmique. Et aux oreilles, elle portait deux grosses perles, d'une pureté admirable, des perles qui venaient d'un collier célèbre de sa mère et que Rome entière connaissait. Pierre s'excusa, remercia. « Madame, je suis confus. J'aurais voulu, dès ce matin, vous dire combien j'étais touché de votre bonté trop grande. » Il avait hésité à l'appeler « Madame », en se rappelant le motif allégué dans son instance en nullité de mariage. Mais, évidemment, tout le monde l'appelait ainsi. Son visage, d'ailleurs, était resté tranquille et bienveillant, et elle voulut le mettre à son aise. « Vous êtes chez vous, monsieur l'abbé. Il suffit que notre parent, monsieur de la Choux, vous aime et s'intéresse à votre œuvre. Vous savez que j'ai pour lui une grande affection. » Sa voix s'embarrassa un peu. Elle venait de comprendre qu'elle devait parler du livre, la seule cause du voyage et de l'hospitalité offerte. « Oui, c'est le vicomte qui m'a envoyé votre livre. Je l'ai lu, je l'ai trouvé très beau. Il m'a troublé. Mais je ne suis qu'une ignorante, je n'ai certainement pas tout compris. Et il faudra que nous en causions. Vous m'expliquerez vos idées, n'est-ce pas, monsieur l'abbé ?» Dans ses grands yeux clairs, qui ne savaient pas mentir, il lut alors la surprise, l'émoi d'une âme d'enfant mise en présence d'inquiétants problèmes qu'elle n'avait jamais soulevés. Ce n'était donc pas elle qui s'était prise de passion, qui avait voulu l'avoir près d'elle pour le soutenir, pour être de sa victoire. Il soupçonna de nouveau, et très nettement cette fois, une influence secrète. Quelqu'un dont la main menait tout vers un but ignoré. Mais il était charmé de tant de simplicité et de franchise chez une créature si belle, si jeune et si noble. Et il se donnait à elle, dès ces quelques mots échangés. Il allait lui dire qu'elle pouvait disposer de lui, entièrement, lorsqu'il fut interrompu par l'arrivée d'une autre femme, également vêtue de noir, dont la haute et mince taille se détacha durement dans le cadre lumineux de la porte grande ouverte du salon voisin. « Eh bien, Benedetta, as-tu dit à Giacomo de monter voir ?» « Don Vigilio vient de descendre et il est seul. C'est inconvenant. »« Mais non, ma tante, monsieur l'abbé est ici. » Et elle se hâta de les présenter l'un à l'autre. « Monsieur l'abbé Pierre Froment, la princesse Boccanera. » Il y eut des saluts cérémonieux. Elle devait toucher à la soixantaine, et elle se serrait tellement qu'on l'eût prise par derrière pour une jeune femme. C'était d'ailleurs sa coquetterie dernière, les cheveux tout blancs, épais et rudes encore, n'ayant gardé de noir que les sourcils, dans sa face longue aux larges plis, plantée du grand nez volontaire de la famille. Elle n'avait jamais été belle, et elle était restée fille, blessée mortellement du choix du comte Brandini, qui avait voulu Ernesta, sa cadette. Résolue dès lors à mettre ses joies dans l'unique satisfaction de l'orgueil héréditaire du nom qu'elle portait. Les Boccanera avaient déjà compté deux papes, et elle espérait bien ne pas mourir avant que son frère le cardinal fût le troisième. Elle s'était faite sa femme de charge secrète, elle ne l'avait pas quittée, veillant sur lui, le conseillant, menant la maison souverainement, accomplissant des miracles pour cacher la ruine lente qui en faisait crouler les plafonds sur leur tête. Si, depuis 30 ans, Elle recevait chaque lundi quelques intimes, tous du Vatican. C'était par haute politique, pour rester le salon du monde noir, une force et une menace. Aussi, Pierre devina-t-il à son accueil combien peu il pesait devant elle, petit prêtre étranger qui n'était pas même prélat. Et cela l'étonnait encore, poser de nouveau la question obscure. Pourquoi l'avait-on invité? Que venait-il faire dans ce monde fermé aux humbles? Il la savait d'une austérité de dévotion extrême. Il crut finir par comprendre qu'elle le recevait seulement par égard pour le vicomte. Car à son tour, elle ne trouva que cette phrase « Nous sommes si heureuses d'avoir de bonnes nouvelles de monsieur de la Choux. Il y a 2 ans, il nous a amené un si beau pèlerinage. » Elle passa la première. Elle introduisit enfin le jeune prêtre dans le salon voisin. C'était une vaste pièce carrée, tendue de vieilles brocatelles jaunes à grandes fleurs Louis XIV. Le plafond, très élevé, avait un revêtement merveilleux de bois sculpté et peint, des caissons à rosaces d'or. Mais le mobilier était disparate. 2 hautes glaces, 2 superbes consoles dorées, quelques beaux fauteuils du XVIIe siècle. Puis, le reste lamentable, un lourd guéridon empire tombé on ne savait d'où, des choses hétéroclites venues de quelques bazars, des photographies affreuses traînant sur les marbres précieux des consoles. Il n'y avait là aucun objet d'art intéressant. Au mur, d'anciens tableaux médiocres, excepté un primitif inconnu et délicieux, une visitation du XIVe siècle, la Vierge toute petite, d'une délicatesse pure d'enfant de 10 ans, tandis que l'ange, immense, superbe, l'inondait du flot d'amour éclatant et surhumain. Et en face, un antique portrait de famille, celui d'une jeune fille très belle, coiffée d'un turban, que l'on croyait être le portrait de Cassia Boccanera, l'amoureuse et la justicière, qui s'était jetée au Tibre avec son frère, Ercole, et le cadavre de son amant, Flavio Corradini. 4 lampes éclairaient, d'une grande lueur calme, la pièce fanée, comme jaunie d'un mélancolique coucher de soleil, grave, vide et nue, sans un bouquet de fleurs. Tout de suite, Donna Serafina présenta Pierre d'un mot, et dans le silence, dans l'arrêt brusque des conversations, il sentit les regards qui se fixaient sur lui, comme sur une curiosité promise et attendue. Il y avait là 10 personnes au plus, parmi lesquelles Dario, debout, causant avec la petite princesse Celia Buongiovanni, amenée par une vieille parente qui entretenait à demi-voix un prélat, Monsignor Nanni, tous 2 assis dans un coin d'ombre. Mais Pierre venait surtout d'être frappé par le nom de l'avocat consistorial Morano, dont le vicomte, en l'envoyant à Rome, avait cru devoir lui expliquer la situation particulière dans la maison afin de lui éviter des fautes. Depuis 30 ans, Colorado était l'ami de Donna Serafina. Cette liaison, autrefois coupable, car l'avocat avait femme et enfant, était devenue, après son veuvage, et surtout avec le temps, une liaison excusée, acceptée par tous, une sorte de ces vieux ménages naturels que la tolérance mondaine consacre. Tous les 2, très dévots, s'étaient certainement assurés les indulgences nécessaires. Et Morano se trouvait là, à la place qu'il occupait depuis plus d'un quart de siècle, au coin de la cheminée, bien que le feu de l'hiver n'y fût pas allumé encore. Et lorsque Donna Serafina eut rempli son devoir de maîtresse de maison, elle reprit elle-même sa place à l'autre coin de la cheminée, en face de lui. Alors, tandis que Pierre s'asseyait, près de Don Vigilio, silencieux et discret sur une chaise, Dario continua plus haut l'histoire qu'il contait à Celia. Il était joli homme, de taille moyenne, svelte et élégant, portant toute sa barbe brune et très soignée, avec la face longue, le nez fort des Boccanera, mais les traits adoucis, comme amollis par le séculaire appauvrissement du sang. « Oh, une beauté !» répéta-t-il avec emphase. « Une beauté étonnante !»« Qui donc ?» demanda Benedetta en les rejoignant. Célia, qui ressemblait à la petite vierge du primitif, accrochée au-dessus de sa tête, s'était mise à rire. « Mais, chère, une pauvre fille, une ouvrière, que Dario a vue aujourd'hui !» Et Dario dut recommencer son récit. Il passait dans une étroite rue, du côté de la place Navone, quand il avait aperçu, sur les marches d'un perron, une belle et forte fille de 20 ans, effondrée, qui pleurait à gros sanglots. Touché surtout de sa beauté, il s'était approché d'elle, avait fini par comprendre qu'elle travaillait dans la maison, une fabrique de perles de cire, mais que le chômage était venu, que l'atelier venait de fermer, et qu'elle n'osait rentrer chez ses parents, tellement la misère y était grande. Sous le déluge de ses larmes, elle levait sur lui des yeux si beaux qu'il avait fini par tirer de sa poche quelque argent. Et elle s'était levée d'un bond, toute rouge et confuse, se cachant les mains dans sa jupe, ne voulant rien prendre, disant qu'il pouvait la suivre s'il voulait et qu'il donnerait ça à sa mère. Puis, elle avait filé vivement vers le pont Saint-Ange. « Oh, une beauté !» répéta-t-il d'un air d'extase. « Une beauté magnifique, plus grande que moi, mince encore dans sa force, avec une gorge de déesse, une vraie antique, une Vénus à 20 ans, le menton un peu fort, la bouche et le nez d'une correction de dessin parfaite. Les yeux, ah, les yeux si purs, si larges, et une tête coiffée d'un casque de lourds cheveux noirs, la face éclatante, comme dorée d'un coup de soleil. » Tous s'étaient mis à écouter, ravis dans cette passion de la beauté que, malgré tout, Rome garde au cœur. « Elles deviennent bien rares, ces belles filles du peuple, » dit Morano. On pourrait battre le Transtévère sans en rencontrer. Voici qui prouve pourtant qu'il en existe encore, au moins une. « Et comment l'appelles-tu, ta déesse ?» demanda Benedetta souriante, amusée et extasiée ainsi que les autres. « Pierina !» répondit Dario, riant lui aussi. « Et qu'en as-tu fait ?» Mais le visage excité du jeune homme prit une expression de malaise et de peur, comme celui d'un enfant qui, dans ses jeux, tombe sur une laide bête. « Ah, ne m'en parle pas. J'ai eu bien du regret. Une misère à vous rendre malade. » Il l'avait suivie par curiosité. Il était arrivé, derrière elle, de l'autre côté du pont Saint-Ange, dans le quartier neuf en construction, bâti sur les anciens prés du château. Et là, au premier étage d'une des maisons abandonnées, à peine sèche et déjà en ruine, il était tombé sur un spectacle affreux dont son cœur restait soulevé. Toute une famille, la mère, le père, un vieil oncle infirme, des enfants mourant de faim, pourrissant dans l'ordure. Il choisissait les termes les plus nobles pour en parler. Il écartait l'horrible vision d'un geste effrayé de la main. « Enfin, je me suis sauvé, et je vous réponds que je n'y retournerai pas. » Il y eut un hochement de tête général dans le silence froid et gêné qui s'était fait. Morano conclut en une phrase amère où il accusait les spoliateurs, les hommes du Quirinal, d'être l'unique cause de toute la misère de Rome. Est-ce qu'on ne parlait pas de faire un ministre du député Sacco, cet intrigant compromis dans toutes sortes d'aventures louches? Ce serait le comble de l'impudence, la banqueroute infaillible et prochaine. Et seule Benedetta, dont le regard s'était fixé sur Pierre en songeant à son livre, murmura « Les pauvres gens, c'est bien triste. Mais pourquoi donc ne pas retourner les voir ? Pierre, dépaysé et distrait d'abord, venait d'être profondément remué par le récit de Dario. Il revivait son apostolat au milieu des misères de Paris. Il s'attendrissait pitoyablement, en retombant, dès son arrivée à Rome, sur des souffrances pareilles. Sans le vouloir, il haussa la voix, il dit très haut « Oh, madame, nous irons les voir ensemble, vous m'emmènerez. Ces questions me passionnent tant !» L'attention de tous fut ainsi ramenée sur lui. On se mit à le questionner, et il les sentit inquiets de son impression première, de ce qu'ils pensaient de leur ville et d'eux-mêmes. Surtout, on lui recommandait de ne pas juger Rome sur les apparences. Enfin, quel effet lui avait-elle produit ? Comment l'avait-elle vue ? Comment la jugeait-il ? Et lui, poliment, s'excusait de ne pouvoir répondre, n'ayant rien vu, n'étant pas même sorti. Mais on ne l'empressa que plus vivement. Il eut la sensation nette d'un travail sur lui, d'un effort pour l'amener à l'admiration et à l'amour. On le conseillait, on l'adjurait de ne pas céder à des désillusions fatales, de persister, d'attendre que Rome lui révélât son âme. « Monsieur l'abbé, combien de temps comptez-vous rester parmi nous ?» demanda une voix courtoise d'un timbre doux et clair. C'était Monsignor Inanni, assis dans l'ombre, qui parlait haut pour la première fois. À diverses reprises, Pierre avait cru s'apercevoir que le prélat ne le quittait pas de ses yeux bleus, très vifs, tandis qu'il semblait écouter attentivement le lent bavardage de la tante de Célia. Et avant de répondre, il le regarda dans sa soutane liserée de cramoisi, l'écharpe de soie violette serrée à la taille, l'air jeune encore, bien qu'il eût dépassé la cinquantaine, avec ses cheveux restés blonds, son nez droit et fin, sa bouche du dessin le plus délicat et le plus ferme, aux dents admirablement blanches. « Mais, monseigneur, une quinzaine de jours, 3 semaines peut-être ?» Le salon entier se récria. « Comment 3 semaines ? Il avait la prétention de connaître Rome en 3 semaines ? Il fallait 6 mois, 1 an, 10 ans !» L'impression première était toujours désastreuse. Et pour en revenir, cela demandait un long séjour. « 3 semaines !» répéta Donna Serafina de son air de dédain. « Est-ce qu'on peut s'étudier et s'aimer en 3 semaines ? Ceux qui nous reviennent, ce sont ceux qui ont fini par nous connaître. » Nanni, sans s'exclamer avec les autres, s'était d'abord contenté de sourire. Il avait eu un petit geste de sa main fine qui trahissait son origine aristocratique. Et, comme Pierre modestement s'expliquait, disait que, venu pour faire certaines démarches, il partirait lorsque ces démarches seraient faites, le prélat conclut, en souriant toujours. « Oh, monsieur l'abbé restera plus de 3 semaines. Nous aurons le bonheur, j'espère, de le posséder longtemps. » Bien que dite avec une tranquille obligeance, cette phrase troubla le jeune prêtre. Que savait-on ? Que voulait-on dire ? Il se pencha, il demanda tout bas à Don Vigilio, demeuré près de lui, muet. « Qui est-ce, Monsignor Inanni ? » Mais le secrétaire ne répondit pas tout de suite. Son visage fiévreux se plomba encore, ses yeux ardents virèrent, s'assurèrent que personne ne le surveillait, et, dans un souffle, « L'assesseur du Saint-Office !» Le renseignement suffisait. Car Pierre n'ignorait pas que l'assesseur, qui assistait en silence aux réunions du Saint-Office, se rendait chaque mercredi soir, après la séance, chez le Saint-Père pour lui rendre compte des affaires traitées l'après-midi. Cette audience hebdomadaire, cette heure passée avec le pape, dans une intimité qui permettait d'aborder tous les sujets, donnait au personnage une situation à part, un pouvoir considérable. Et d'ailleurs, la fonction était cardinalice. L'assesseur ne pouvait être ensuite nommé que cardinal. Monsignor et Nanni, qui semblaient parfaitement simples et aimables, continuaient à regarder le jeune prêtre d'un air si encourageant que ce dernier dut aller occuper près de lui le siège laissé enfin libre par la vieille tante de Célia. N'était-ce pas un présage de victoire, cette rencontre, faite le premier jour d'un prélat puissant dont l'influence lui ouvrirait peut-être toutes les portes? Il se sentit alors très touché lorsque celui-ci, dès la première question, lui demanda obligeamment d'un ton de profond intérêt « Alors, mon cher fils, vous avez donc publié un livre ?» Et, repris par l'enthousiasme, oubliant où il était, Pierre se livra, conta son initiation de brûlant amour au travers des souffrances et des humbles, rêva tout haut le retour à la communauté chrétienne, triompha avec le catholicisme rajeuni, devenu la religion de la démocratie universelle. Peu à peu, il avait de nouveau élevé la voix, et le silence se faisait dans l'antique salon sévère. Tous s'étaient remis à l'écouter, au milieu d'une surprise croissante, d'un froid de glace qu'il ne sentait pas. Doucement, Nanni finit par l'interrompre avec son éternel sourire dont la pointe d'ironie ne se montrait même plus. « sans doute, mon cher fils, c'est très beau, oh, très beau, tout à fait digne de l'imagination pure et noble d'un chrétien. Mais que comptez-vous faire maintenant ? Allez droit au Saint-Père pour me défendre. » Il y eut un léger rire réprimé, et Donna Serafina exprima l'avis général en s'écriant « On ne voit pas comme ça le Saint-Père !» Mais Pierre se passionna. « Moi, j'espère bien que je le verrai. Est-ce que je n'ai pas exprimé ses idées? Est-ce que je n'ai pas défendu sa politique? Est-ce qu'il peut laisser condamner mon livre, où je crois m'être inspiré du meilleur de lui-même ?»« Sans doute, sans doute !» se hâta de répéter Nanni, comme s'il eût craint qu'on ne brusquât trop les choses avec ce jeune enthousiaste. « Le Saint-Père est d'une intelligence si haute, et il faudra le voir. Seulement, mon cher fils, ne vous excitez pas de la sorte, réfléchissez un peu, prenez votre heure. » Puis, se tournant vers Benedetta, « N'est-ce pas? Son éminence n'a pas encore vu monsieur l'abbé. Dès demain matin, il faudra qu'elle daigne le recevoir pour le diriger de ses sages conseils. » Jamais le cardinal Boccanera ne montait assister aux réceptions de sa sœur le lundi soir. Il était toujours là, en pensée, comme le maître absent et souverain. « C'est que, » répondit la contessina en hésitant, « je crains bien que mon oncle ne soit pas dans les idées de monsieur l'abbé. » Nanni se remit à sourire. « Justement, il lui dira des choses bonnes à entendre. » Et il fut convenu tout de suite, avec Don Vigilio, que celui-ci inscrirait le prêtre pour une audience le lendemain matin à 10 heures. Mais, à ce moment, un cardinal entra, vêtu de l'habit de ville, la ceinture et les bas rouges, la simarre noire, liséré et boutonné de rouge. C'était le cardinal Sarno, un très ancien familier des Boccanera, et pendant qu'il s'excusait d'avoir travaillé tard, le salon se taisait, s'empressait, avec déférence. Mais pour le premier cardinal qu'il voyait, Pierre éprouvait une déception vive, car il ne trouvait pas la majesté, le bel aspect décoratif auquel il s'était attendu. Celui-ci apparaissait petit, un peu contrefait, l'épaule gauche plus haute que la droite, le visage usé et terreux, avec des yeux morts. Il lui faisait l'effet d'un très vieil employé de 70 ans, hébété par un demi-siècle de bureaucratie étroite, déformé et alourdi de n'avoir jamais quitté le rond de cuir sur lequel il avait vécu sa vie. Et, en réalité, son histoire entière était là. Enfant chétif d'une petite famille bourgeoise, élève au séminaire romain, plus tard professeur de droit canonique pendant 10 ans à ce même séminaire, puis secrétaire à la propagande, et enfin cardinal depuis 25 ans. On venait de célébrer son jubilé cardinalitis. Né à Rome, il n'avait jamais passé hors de Rome un seul jour. Il était le type parfait du prêtre grandi à l'ombre du Vatican et maître du monde. Bien qu'il n'eût occupé aucune fonction diplomatique, il avait rendu de tels services à la propagande par ses habitudes méthodiques de travail qu'il était devenu président d'une des deux commissions qui se partagent le gouvernement des vastes pays d'Occident, non encore catholiques. Et c'était ainsi qu'au fond de ses yeux morts, dans ce crâne bas d'expression obtuse, il y avait la carte immense de la chrétienté. Nanni lui-même s'était levé, plein d'un sourd respect devant cet homme effacé et terrible, qui avait les mains partout, aux coins les plus reculés de la terre, sans être jamais sorti de son bureau. Il le savait, dans son apparente nullité, dans son lent travail de conquête méthodique et organisée, d'une puissance à bouleverser les empires. « Est-ce que votre éminence est remise de ce rhume qui nous a désolés ?»« Non, non, je tousse toujours. Il y a un couloir pernicieux. J'ai le dos glacé dès que je sors de mon cabinet. » À partir de ce moment, Pierre se sentit tout petit et perdu. On oubliait même de le présenter au cardinal. Et il dut rester là, pendant près d'une heure encore, regardant, observant. Ce monde vieilli lui parut alors enfantin, retourné à une enfance triste. Sous la morgue, la réserve hautaine, il devinait maintenant une réelle timidité, la méfiance inavouée d'une grande ignorance. Si la conversation ne devenait pas générale, c'était que personne n'osait, et il entendait dans les coins des bavardages puérils et sans fin, les menues histoires de la semaine, les petits bruits des sacristies et des salons. On se voyait fort peu, les moindres aventures prenaient des proportions énormes. Il finit par avoir la sensation nette qu'il se trouvait transporté dans un salon français du temps de Charles X, au fond d'une de nos grandes villes épiscopales de province. Aucun rafraîchissement n'était servi. La vieille tante de Célia venait de s'emparer du cardinal Sarno, qui ne répondait pas, hochant le menton de loin en loin. Don Vigilio n'avait pas desserré les dents de la soirée. Une longue conversation, à voix très basse, s'était engagée entre Nanni et Morano, tandis que Donna Serafina, qui se penchait pour les écouter, approuvait d'un lent signe de tête. Sans doute, il causait du divorce de Benedetta, car il la regardait de temps à autre, d'un air grave. Et, au milieu de la vaste pièce, dans la clarté dormante des lampes, il n'y avait que le groupe jeune, formé par Benedetta, Dario et Celia, qui sembla vivre, babillant à demi-voix, étouffant parfois des rires. Tout d'un coup, Pierre fut frappé de la grande ressemblance qu'il y avait entre Benedetta et le portrait de Cassia, pendu au mur. C'était la même enfance délicate, la même bouche de passion et les mêmes grands yeux infinis, dans la même petite face ronde, raisonnable et saine. Il y avait là, certainement, une âme droite et un cœur de flamme. Puis, un souvenir lui revint, celui d'une peinture de Guido Reni, l'adorable et candide tête de Beatrice Cenci, dont le portrait de Cassia lui parut, à cet instant, être l'exacte reproduction. Cette double ressemblance l'émut, lui fit regarder Benedetta avec une inquiète sympathie, comme si toute une fatalité violente de pays et de race allait s'abattre sur elle. Mais elle était si calme, l'air si résolu et si patient. Et, depuis qu'il se trouvait dans ce salon, il n'avait surpris, entre elle et Dario, aucune tendresse qui ne fût fraternelle et gaie, surtout de sa part à elle, dont le visage gardait la sérénité claire des grands amours avouables. Un moment, Dario lui avait pris les mains en plaisantant, les avait serrées, et s'il s'était mis à rire un peu nerveusement avec de courtes flammes au bord des cils, elle, sans hâte, avait dégagé ses doigts, comme en un jeu de vieux camarades tendres. Elle l'aimait, visiblement, de tout son être, pour toute la vie. Mais Dario, ayant étouffé un léger bâillement en regardant sa montre et s'étant esquivé pour rejoindre des amis qui jouaient chez une dame, Benedetta et Celia vinrent s'asseoir sur un canapé près de la chaise de Pierre, et ce dernier surprit, sans le vouloir, quelques mots de leur confidence. La petite princesse était l'aînée du prince Matteo Buongiovanni, père de 5 enfants déjà, marié à une Mortimer, une Anglaise qui lui avait apporté 5 millions. D'ailleurs, on citait les Buongiovanni comme une des rares familles du patriciat de Rome, riches encore, debout au milieu des ruines du passé croulant de toutes parts. Tous aussi avaient compté de pape, ce qui n'empêchait pas le prince Matteo de s'être rallié au Quirinal, sans toutefois se fâcher avec le Vatican. Fils lui-même d'une Américaine, n'ayant plus dans les veines le pur sang romain, il était d'une politique plus souple, fort avare, disait-on, luttant pour garder un des derniers la richesse et la toute-puissance de jadis, qu'il sentait condamné à l'inévitable mort. Et c'était dans cette famille d'orgueil superbe, dont l'éclat continuait à emplir la ville, qu'une aventure venait d'éclater, soulevant des commérages sans fin, l'amour brusque de Célia pour un jeune lieutenant à qui elle n'avait jamais parlé. L'entente passionnée des deux amants qui se voyaient chaque jour au Corso, n'ayant pour tout se dire que l'échange d'un regard. La volonté tenace de la jeune fille qui, après avoir déclaré à son père qu'elle n'aurait pas d'autre mari, attendait inébranlable, certaine qu'on lui donnerait l'homme de son choix. Le pis était que ce lieutenant, Attilio Sacco, se trouvait être le fils du défait Sacco, un parvenu que le monde noir méprisait comme vendu au Quirinal, capable des plus laides besognes. C'est pour moi que Morano a parlé tout à l'heure, murmurait Celia à l'oreille de Benedetta. Oui, oui, quand il a maltraité le père d'Attilio à propos de ce ministère dont on s'occupe, il a voulu m'infliger une leçon. Toutes deux s'étaient juré une éternelle tendresse, dès le Sacré-Cœur, et Benedetta, son aînée de 5 ans, se montrait maternelle. « Alors, tu n'es pas plus raisonnable, tu penses toujours à ce jeune homme ?»« Oh, cher, vas-tu me faire de la peine, toi aussi ?» Attilio me plaît, et je le veux. Lui, entends-tu, et pas un autre. Je le veux, je l'aurai, parce qu'il m'aime et que je l'aime. C'est tout simple. » Pierre, saisi, la regarda. Elle était un lys, candide et fermé, avec sa douce figure de vierge, un front et un nez d'une pureté de fleurs, une bouche d'innocence aux lèvres closes sur les dents blanches, des yeux d'eau de source, clairs et sans fond. Et pas un frisson sur les joues, d'une fraîcheur de satin. Pas une inquiétude, ni une curiosité dans le regard ingénu. Pensait-elle? Savait-elle? Qui aurait pu le dire? Elle était la Vierge dans tout son inconnu redoutable. « Ah, cher, reprit Benedetta, ne recommence pas ma triste histoire. Ça ne réussit guère de marier le pape et le roi. » « Mais, dit Celia avec tranquillité, tu n'aimais pas Prada, tandis que moi j'aime Attilio. La vie est là, il faut aimer. » Cette parole, prononcée si naturellement par cette enfant ignorante, troubla Pierre, à un tel point qu'il sentit des larmes lui monter aux yeux. L'amour, oui, c'était la solution à toutes les querelles, l'alliance entre les peuples, la paix et la joie dans le monde entier. Mais Donna Séraphine s'était levée en se doutant du sujet de conversation qui animait les deux amis. Et elle jeta un coup d'œil à Don Vigilio, que celui-ci comprit, car il vint dire tout bas à Pierre que l'heure était venue de se retirer. 11 heures sonnaient. Célia partait avec sa tante. Sans doute l'avocat Morano voulait garder un instant le cardinal Sarno et Nanni pour causer en famille de quelques difficultés qui se présentaient, entravant l'affaire du divorce. Dans le premier salon, lorsque Benedetta eut baisé Célia sur les deux joues, elle prit congé de Pierre avec beaucoup de bonne grâce. « Demain matin, en répondant au vicomte, je lui dirai combien nous sommes heureux de vous avoir. Et pour plus longtemps que vous ne croyez. N'oubliez pas, à 10 heures, de descendre saluer mon oncle le cardinal. » En haut, au troisième étage, comme Pierre et Don Vigilio, tenant chacun un bougeoir que le domestique leur avait remis, allaient se séparer devant leur porte, le premier ne put s'empêcher de poser au second une question qui le tracassait. « C'est un personnage très influent que Monsignor et Nanni ?» Don Vigilio s'effara de nouveau, fit un simple geste en ouvrant les deux bras, comme pour embrasser le monde. Puis ses yeux flambèrent, une curiosité parut le saisir à son tour. « Vous le connaissiez déjà, n'est-ce pas ? » demanda-t-il sans répondre. « Moi ? Pas du tout. » « Vraiment ? Il vous connaît très bien, lui. Je l'ai entendu parler de vous lundi dernier, en des termes si précis qu'il m'a semblé au courant des plus petits détails de votre vie et de votre caractère. » Jamais je n'avais même entendu prononcer son nom. Alors, c'est qu'il se sera renseigné. Et Don Vigilio salua, rentra dans sa chambre. Tandis que Pierre, qui s'étonnait de trouver la porte de la sienne ouverte, en vit sortir Victorine de son air tranquille et actif. « Ah, monsieur l'abbé, j'ai voulu m'assurer par moi-même que vous ne manquiez de rien. Vous avez de la bougie, vous avez de l'eau, du sucre, des allumettes. Et le matin, que prenez-vous ? Du café ? Non, du lait pur avec un petit pain. Bon, pour 8 heures, n'est-ce pas ? Et reposez-vous, dormez bien. Moi, les premières nuits, oh, j'ai eu une peur des revenants dans ce vieux palais. Mais je n'en ai jamais vu la queue d'un. Quand on est mort, on est trop content de l'être, on se repose. » Pierre enfin se trouva seul, heureux de se détendre, d'échapper au malaise de l'inconnu, de ce salon, de ces gens, qui se mêlaient, s'effaçaient en lui comme des ombres, sous la lumière dormante des lampes. Les revenants, ce sont les vieux morts d'autrefois, dont les âmes en peine reviennent aimer et souffrir dans la poitrine des vivants d'aujourd'hui. Et, malgré son long repos de la journée, jamais il ne s'était senti si las, si désireux de sommeil, l'esprit confus et brouillé, craignant bien de n'avoir rien compris. Lorsqu'il se mit à se déshabiller, l'étonnement d'être là, de se coucher là, le reprit avec une intensité telle qu'il crut un moment être un autre. Que pensait tout ce monde de son livre ? Pourquoi l'avait-on fait venir en ce froid logis qu'il devinait hostile ? Était-ce donc pour l'aider ou pour le vaincre ? Et il ne revoyait, dans la lueur jaune, dans le morne coucher d'astres du salon, que Donna Serafina et l'avocat Morano, aux deux coins de la cheminée, tandis que derrière la tête passionnée et calme de Benedetta, apparaissait la face souriante de Monsignor et Nanni, aux yeux de ruse, aux lèvres d'indomptable énergie. Il se coucha, puis se releva, étouffant, ayant un tel besoin d'air frais et libre qu'il alla ouvrir toute grande la fenêtre pour s'y accouder. Mais la nuit était d'un noir d'encre, Les ténèbres avaient submergé l'horizon. Au firmament, des brumes devaient cacher les étoiles. La voûte opaque pesait d'une lourdeur de plomb. Et en face, les maisons du Transtévère dormaient depuis longtemps. Pas une fenêtre ne luisait. Un bec de gaz scintillait seul, au loin, comme une étincelle perdue. Vainement, il chercha le canicule. Tout sombrait au fond de cette mer du néant. Les 24 siècles de Rome, le Palatin antique et le moderne Quirinal, le dôme géant de Saint-Pierre, effacé du ciel par le flot d'ombre. Et au-dessous de lui, il ne voyait pas, n'entendait même pas le Tibre, le fleuve mort dans la ville morte.